À l'occasion de la Journée du Soleil, le Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié le 13 le mémorandum sous thème « Le président Kim Il-sung est le patriote sans égal qui a accompli les exploits immortels pour la cause sacrée de l'unité nationale ».